Chapitre 4e. Un hurlement immense l'accueillit. 5, 10, 20 fagots brûlants vinrent s'assembler par-dessous. La lueur illuminait les figures excitées par l'espoir du massacre, l'acier des mousquets, les fers des haches. Les porteurs de torches avaient tout le visage couvert de farine pour se protéger contre les étincelles, et sur ces masques blancs, les yeux rougis brillaient comme des braises. La fumée noire montait dans l'air, avec la crépitation des étincelles. Toutes les flammes s'allongeaient d'un même côté, poussées par le vent, sifflantes comme des chevelures de démons. Les roseaux les plus secs s'allumaient, se tordaient, se fendaient, éclataient comme des feux d'artifice en un instant. Et c'était un spectacle joyeux. Mazagonia étendit une main comme pour calmer la huée. Il rassembla toute la force de ses poumons et il commença au nom du roi, comme s'il eût promulgué un édit, croyant imposer le respect à la canaille. « Au nom de Sa Majesté Ferdinand II, par la grâce de Dieu, roi des deux Siciles, de Jérusalem, à mort le voleur !» La fusillade éclata dans la bagarre, et le harangueur, frappé à la poitrine et au front, vacilla, agita ses mains velues dans l'air et tomba en avant. En tombant, sa tête chauve se prit entre deux barreaux et resta pendante en dehors comme une courge lisse. Le sang dégouttait dans la flamme des fagots. Ce hasard lugubre réjouit la foule. Le vacarme montait aux étoiles. Alors, les porteurs de l'étendard humain poussèrent le pendu jusqu'au balcon et approchèrent Vincenzo Moro du majordome. Tandis que le pieu oscillait dans l'air, le peuple, muet, regardait l'embrassade des deux cadavres à travers la fumée. Un improvisateur rustique, faisant allusion à l'un, qui était louche, à l'autre, qui était chassieux, lança à gorge déployée un couplet cruel. « Affacet a sa fenestre, gnocchi e fritte, state menuta, cianda lu scagzate. » Un vaste ricanement suivit la raillerie du poète. Le rire se propagea de mâchoire en mâchoire, comme un bruit de sauvage sur d'âpres cailloux. Un poète tribal cria « Vide de quesol ad succate, sa frange de cuide, el gnocchi cande se more. » Le rire à nouveau dévala par la pente bondée. Un troisième jeta le troisième brocard. « O faccia di cacore a male cote, venete cucchellore della morte. » D'autres distiques volèrent vers le balcon. Une féroce hilarité secouait les ventres creux. La vue et l'odeur du sang enivraient les plus rapprochés. Thomas de Libéfil et Rocco Turchi se mesurèrent dans l'adresse à frapper avec des pierres le crâne pendillant du cadavre encore chaud. À chaque coup, le crâne bougeait et dégoûtait. La pierre de Rocco Turchi le frappa enfin au milieu. On entendit l'os craquer. Les spectateurs applaudirent, mais désormais, ils en avaient assez. De nouveau, le cri se souleva. « Casseur, casseur, le duc, à mort, le duc !» Fabrizio et Ferdinando Schioli se glissaient à travers la foule et excitaient les haines. Une grêle de pierre s'éleva, fracassa les fenêtres du palais mêlées à la fusillade. Les vitres tombaient sur les assiégeants. Les pierres rebondissaient contre les tireurs. Quand la provision de cailloux et de plomb fut épuisée, Ferdinando Schioli cria « À bas les portes !» Et ce cri, répété par tant de bouches, ôta au duc de Fano tout espoir de salut.